Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gameuse 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups. Et pour l'édition de ce soir, comme je l'avais annoncé, on va parler de l'Épinal Tattoo Show qui a eu lieu les 22, 23 et 24 juin. C'était la deuxième édition et sincèrement, c'était une super ambiance, on y est bien. Donc à la rigueur, je vous fais mon petit topo avant de vous envoyer toutes les interviews que j'ai fait là-bas. J'en ai pas fait des masses, hein. Mais il y avait beaucoup de stands de tatoueurs, il y avait un perso. Et il y avait bien entendu des non-tatoueurs, donc il y avait des bijoux, il y avait plein de choses, vous allez voir. Hein. Les tatoueurs étant d'ailleurs surbookés, j'en ai pas eu beaucoup, hein, un seul en réalité, mais qui ne tatouait pas sur cette convention-là. Et contrairement à un tattoo shop, hein, on peut faire un tatouage sans rendez-vous la journée même, en fait, pour un tattoo show. Je vous mets d'ailleurs par avance en garde, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, ça ses avantages et ses inconvénients. Donc les avantages, hein, de se faire tatouer sur une convention du tatouage, hein, c'est déjà si on admire le travail de quelqu'un qui est venu de loin, hein, c'est l'occasion ou jamais. C'est aussi une toute autre ambiance que les shops, hein, comme j'ai dit, après j'en connais que deux, j'ai pas encore une très grosse expérience du tatouage. On peut faire de super rencontres, hein, ça ouvre aussi les portes du monde du tatouage, hein. On voit d'ailleurs à quel point il y a des univers différents pour une même discipline commune, hein, le tatouage. Et en parlant d'inconvénients, parce qu'après tout, hein, il y a un petit peu le yin et le yang de, des tattoo show, ou surtout de se faire tatouer sur un tattoo show. Donc déjà, il faut penser à prévoir le budget, surtout si c'est une grosse pièce. Hein, ça peut coûter cher et ça peut aussi donner lieu à quelques imprévus financiers. On a aussi un certain manque d'intimité. Hein, c'est pas des cases closes. Donc pour ceux qui veulent se faire des tatouages sur les fesses, sur les seins, bon, je pense au niveau des parties génitales, on évite, mais généralement, oui, si on veut se faire tatouer ces parties-là pendant un tattoo show, on n'est pas vraiment caché, on a la rigueur du scotch, mais voilà, pas des masses d'intimité, comme je le disais. Les tatoueurs sont pressés, stressés, hein. Ça peut arriver qu'ils ne soient pas de bonne humeur, surtout en fin de journée. C'est d'ailleurs une très mauvaise idée de se faire tatouer si c'est un premier tatouage et une grosse pièce en même temps. Hein. Si à la rigueur c'est un premier petit ou un gros et qu'on a beaucoup d'expérience, là, allez-y. Ça peut aussi être un inconvénient, hein, mais ça c'est a posteriori. Si le tatouage a besoin de retouches et que le shop se trouve loin, hein, ça peut être quand même assez compliqué de faire des retouches, hein, parce que ça arrive aussi. Et pas besoin de répéter, même si je vais le faire, qu'un tatouage c'est permanent, donc évitez les gros coups de tête. Donc voilà, ça c'est ma petite mise en garde pour les prochains salons du tatouage, d'ailleurs, où je me rendrai, donc c'est aussi une mise en garde pour moi-même dans le futur. Mais bon, en ce qui me concerne, hein, j'ai craqué pour un tatouage auquel j'avais réfléchi depuis des mois, et j'ai trouvé le motif qui me convenait, hein. C'est ainsi qu'un très très beau lotus a fleuri sur le haut de mon dos, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Sorry Daddy qui me l'a fait, hein. Lui il se situe à Paris, mais mon tatouage est nickel, lui il a pas besoin de la moindre retouche, alors Sorry Daddy, si tu m'écoutes, merci beaucoup, je l'adore. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça reste une expérience à faire, une expérience que j'ai été contente de faire, même si sur le coup je faisais pas trop ma maline et que je pense peut-être renouveler un jour. Et sans plus de cérémonie, hein, les musiques que je vais passer, vu qu'il y a des interviews faites sur le terrain et des musiques. Donc il y a trois groupes qui sont passés pendant le show que je passe. Donc il y a Two Mobs, Blasted et Snapboarder. Et sinon les autres morceaux sont de mon choix, avec une ou deux petites influences que je passerai. Donc je vous indique déjà les musiques que je vais passer. Donc dans l'ordre, il y a Snapboarder pour leur morceau Alternative Current Box, puis System of a Down Lonely Day, suivi de Nightwish While Your Lips Are Still Red, suivi de Two Mobs leur morceau Redhead Blues, suivi ensuite de Slipknot pour le morceau Duality, s'en suit ensuite Blasted pour le morceau Prelude, en fait c'est un prélude tout simplement, et enfin en conclusion Nirvana pour le morceau Territorial Pissings. Donc encore une fois un petit crescendo en espérant que les personnes qui m'écoutent demain matin auront le temps de s'écouter, de se réveiller, d'ici là. Et on se retrouve après tout ce petit mélange d'interviews et de musique. On se retrouvera à la fin pour la conclusion. Convention tatou, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a que des tatoueurs sur place. Hein. En effet, j'ai rencontré Laurent de Old Custom Records. Alors Laurent, j'ai appris aussi que tu es tatoueur à côté. Le stand que tu as là en ce moment, tu fais des figurines en résine et je crois que tu as fait aussi les trophées pour les concours pour cette convention, c'est bien ça ? Oui, voilà, ouais, tout à fait. On fait donc on crée des statues, on crée des trophées pour les conventions, que ce soit en résine, en plâtre. C'est toujours des pièces uniques, quoi. C'est pas du Made in China où on fait plein de copies, on fait vraiment du custom, quoi. Et j'ai vu quand même tes statuettes, parce que tu as des crânes qui sont un petit peu genre masque de la muerte, et tu as aussi des statues, donc tu as des Marie, tu as des Jésus, voilà, complètement refaits. C'est toi qui les as fabriquées ou récupérées ? Une grosse partie, c'est de la récup, donc on redonne une nouvelle vie aux anciens objets. Donc les objets, les vieilles statues que les gens ne veulent plus chez eux, nous on redonne une deuxième vie. Maintenant on en crée aussi nous-mêmes des toutes nouvelles, toujours sur le thème, soit zombies, soit les Dia de los Muertos. Donc, tous les thèmes un peu comme ça, le thème qui reste au niveau du tatou, quoi. Donc oui, comme je le rappelle, hein, tu es tatoueur à la base, tu transposes un petit peu ton art du tatouage sur d'autres statues, c'est bien ça? En gros, c'est ça, oui. Et tu vas jusqu'à quel point de la récupération? Donc déjà des Marie, des Jésus qui sont refaits. J'ai vu une tête avec des cornes et d'ailleurs je crois un de tes amis m'avait dit que les cornes c'est toi qui les avais rajoutées. Oui voilà, ouais. Donc on va peut-être prendre une statue traditionnelle et dessus on va peut-être supprimer la tête, remettre une autre tête, changer les mains, rajouter les cornes, changer tout, la peinture, redonner un renouveau quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du tatouage, hein, parce que bon, c'est quand même ton activité principale, si j'ai bien compris. Ah d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais tu es belge, hein, je suis belge, es de Liège. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait passer du tatouage au renouveau d'objets? En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours fait les deux. Je tatoue toujours à temps plein, quoi. Je fais ça après journée et j'ai énormément de contrats, énormément de choses à faire là-dedans. Maintenant, je viens en convention pour exposer mes pièces, mes œuvres d'art, que tatouer. J'ai assez de boulot au magasin, quoi. Oui, parce que tu te situes au centre de Liège, ton... Plein centre, oui. Ah oui, ça fait longtemps que tu tatoues? Ça fait... depuis 2001. Et ça fait combien de temps que tu fais des statues depuis 2001 aussi? Ça fait 2005, 2006. Ah oui, oui. Donc pas très longtemps après. Voilà, oui. Si un auditeur a peut-être envie de voir un petit peu plus ce que tu fais, tu peux donner ta page Facebook, ton Instagram, ton site internet? Oui, voilà, ils tapent tout simplement Laurent Viatour sur Facebook ou sur Instagram, on tombera directement sur moi. Et là, on verra pas mal de mes œuvres et tout ça, et on voit un petit peu mon travail. Et disons qu'un auditeur vosgien a un vrai coup de cœur pour ce que tu fais. Oui. Comment est-ce qu'il peut se procurer une de tes statues? Il est obligé d'aller à Liège, hein? Voilà, le problème c'est que toutes les pièces sont uniques. Donc quand une pièce est vendue, je ne refais pas deux fois la même. Je vais faire dans le même genre, mais je ne fais pas de recopie des statues déjà existantes, quoi. Mais bon, après c'est toujours l'occasion d'aller te voir à Liège, hein, toujours Old Custom Record. Hein, voilà, bah, écoute... le nom de Laurent Tatou, c'est mon magasin. Là ils pourront découvrir quelques œuvres, tout ça. Tout n'est pas présent là, mais il y aura quelques objets quoi. Eh bien écoute, merci beaucoup et puis je pense que je vais prendre aussi quelques photos de ton stand et de des trophées que tu as fait, après tout, que les auditeurs puissent se faire une idée. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps et bon courage encore ici dans les Vosges. De rien, merci beaucoup. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. We'll be right back. a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Parmi les nombreux stands de non-tatoueurs, hein, forcément c'était prévisible, il y a des vêtements. J'ai en face de moi David du Club Barbu. Bonjour David. Bonjour Lou. Alors dis-moi, j'ai vu que toi tu as un stand plutôt de vêtements. Tu es spinalien, alors qu'est-ce que tu peux en dire plus pour que les auditeurs voient un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Alors on a créé la marque Club de Barbu il y a bientôt 6 mois. Et on se développe de plus en plus sur des événements comme des conventions. On a fait les Motors Day il n'y a pas longtemps. On va faire la nuit américaine le 29. Et on prépare l'arrivée du shop qui va avoir lieu septembre, la création d'une boutique en ville à Épinal. Ah, sympa. Et tu sais où elle se trouvera, la boutique? Oui. Alors, en face du musée, et le principe, c'est qu'on veut travailler des gens locaux. Donc, il y aura effectivement toute la ligne Club de Barbu, hommes et femmes. Et on fait également donc des sacs à main en vinyle. Donc ma collaboratrice Julie, qui ça s'appelle 33 tours dans mon sac, elle fait ça, des petits porte-monnaies, plein de maroquinerie très sympa. Et j'ai un troisième acolyte qui vient avec moi, qui lui fait des meubles très tendance, qui ça s'appelle Ro, sa marque. Et il fait des meubles très bois et métal, de la récup sur des sites d'usines désaffectées, et qui retransforme en lampes, où il refait des meubles, il redonne vie à des meubles. Ah bah dis donc ça fait un peu du 3 en 1, ta future boutique qui je le rappelle ouvrira début septembre oui à Épinal. Mais le local, ah voilà. Pourquoi ce nom là? Parce que c'est des produits faits en local, c'est des produits locaux, donc on va faire venir régulièrement des invités sur le mois qui font des produits locaux. Alors ça sera toujours, il n'y a jamais d'alimentaire. Mais là, normalement, on devrait avoir quelqu'un qui est également sur la convention, qui s'appelle Vilain Défaut, et qui est un cabinet de curiosité. D'accord, et dis-moi toi, donc, toi tu fais des vêtements, hein, le Club Barbu, ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? Alors le Club de Barbu, ça fait 6 mois qu'il existe et qu'il se développe. Et au départ, j'ai une agence de communication qui est le Gorille en cravate depuis plus de 3 ans. Ah oui, donc j'imagine que c'est le gorille en cravate qui, de fil en aiguille, t'a mené au Club de Barbu. C'est ça. C'est d'abord le gorille et ensuite j'ai créé le Club de Barbu. Et pourquoi le nom Club de Barbu? Parce que bon, c'est vrai, t'es barbu, pas moi, mais bon, pourquoi ce nom-là? Alors c'est dommage qu'on n'a pas le visuel, mais si tu vois avec les lunettes, et quand je fais comme ça et en hiver, normalement, la tronche du barbu, c'est la mienne. Et donc je voulais quelque chose qui me ressemble. Donc voilà, tout simplement. Puis comme les barbus, c'est tendance avec les hipsters, tout ça, bah, on surfe sur les tendances. Tu surfes sur les tendances et tu fais des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants. Hein. Il y a vraiment tout de tout pour tout le monde. On voit que des barbus sur tes t-shirts, non? Alors, on a les femmes de barbus. Là, on a filles de barbus, fils de barbus. Mais essentiellement, ouais, on est sur, on travaille la tête du barbu. On la bosse aussi sur des bracelets. On a fait des bracelets en argent. Pareil, c'est produits locaux avec un petit verrier du coin qui fait du verre de Murano. Et les bijoux sont produits à Saint-Dié. Ah bah écoute, c'est super sympa tout ça. Et pour les auditeurs qui, en attendant que ta boutique ouvre, ont peut-être envie de voir ce que tu fais, tu as une page Facebook ou un Instagram? Bah tout à fait, on a les deux, Club de Barbu, sur Facebook comme sur Instagram. Bah écoute, merci beaucoup David, et puis à très bientôt j'espère pour l'ouverture de ton magasin. Ça marche, merci beaucoup. Silence, not took your heart for love, not heartache. Épinal, Tattoo Show à Épinal, bien entendu. Et parmi les nombreux stands, il y a forcément quelqu'un que je connais et que les auditeurs aussi commencent à connaître, s'ils suivent un petit peu l'heure des loups, hein, bien entendu. Il y a Sandrine de Sans Call Artem qui est là devant nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, te voilà à l'Épinal Tattoo Show. Bon, j'étais déjà au courant avec ta page Facebook, hein, je t'avais déjà croisé à Vesserlin. Ça fait longtemps que c'était prévu pour la Tattoo Convention? Oh oui, plusieurs mois, on va dire au moins 6 mois, oui. Ah oui, donc c'est bon, déjà, les auditeurs peuvent pas le voir, mais je vois tes bras sont tout à fait dessinés, tout à fait, on peut pas dire colorés, mais ils sont tous ornés de noir et de blanc. Donc j'imagine que tu trouves entièrement ta place dans cette convention-là. Oui, plutôt, et puis c'est un univers qui me correspond et qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et oui, parce que tu en as fait beaucoup d'autres, des conventions tattoo, non? Oui, j'en fais beaucoup dans une année, j'en fais une bonne douzaine, oui. Ouais, quand même, donc ça fait presque une par mois. Ah bah oui, ça fait une par mois. Et donc, bah te voilà là pour le week-end, pour l'Épinal Tattoo Show. Globalement, ça se passe bien, la réception, j'imagine que oui, l'univers colle un petit peu avec tous tes crânes, tes bijoux steampunk dans l'âme. Oui, oui, oui, ça colle tout à fait au style des visiteurs. Les tatoueurs aussi trouvent beaucoup leur bonheur. Voilà, c'est l'univers qui correspond le mieux, je pense, dans toutes les expos que je peux faire. Ah, bah, franchement, je suis tellement contente pour toi. Je ne sais pas si tu as prévu de te faire tatouer ce week-end-là. Et non, je travaille, donc je ne peux pas. Malheureusement, c'est pas l'envie qui manque. Mais il n'empêche que tu trouveras peut-être une autre convention ou d'autres tatoueurs pour continuer à agrandir ta collection de tatouages. Mais on en revient toujours à ta collection de crânes et de bulles temporelles, comme je les avais appelées dans la première émission du 12 janvier. Ça remonte, hein? Et tiens, d'ailleurs, dis-moi, tant que j'y pense, alors c'est vrai que tu étais ma première invitée de l'heure des loups. Et je crois que c'était la première fois que tu as fait de la radio avec moi. T'en as fait depuis de la radio? Ça m'est arrivé deux fois depuis, oui, aussi sur des événements, voilà, des radios qui passaient par là, et puis des petites interviews comme ça, au hasard. Bah écoute, c'est sympa. On peut peut-être rappeler aux auditeurs ta page Facebook et ton Instagram s'ils ont envie d'aller faire un petit tour. Alors c'est Création Sanscular Time, c'est toujours la même, voilà. Toujours la même, qui sera bien entendu taguée sur la page Facebook comme j'ai l'habitude de le faire. Et dis-moi, s'ils ont peut-être envie de te voir sur une autre convention, un de ces quatre, quelle sera la prochaine grosse convention à laquelle tu participeras? Alors là, en convention tattoo, pour l'été, c'est plutôt calme. Donc le prochain événement, ça va être à Déodar. C'est un salon d'artistes, c'est tout à fait différent. Alors, dans tous les domaines, hein, de la sculpture, de la peinture, du bijou, un peu de tout. Donc Déodar, le week-end du 21 juillet. Et ensuite, on va passer à des conventions steampunk au Luxembourg en août, en septembre. Ah bah écoute, on a hâte de voir tout ça. De toute façon, tu mets tout sur ta page Facebook. Bah écoute Sandrine, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps et bon courage pour la suite de la convention. Merci, avec plaisir. Come on down. rencontré cette fois Anthony du cabinet de curiosité. Alors Anthony, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es spinalien. Si oui, tu me l'as dit il y a deux secondes, tu es spinalien et tu as un stand aussi sur l'épinal Tattoo Show. Et ton stand, hein, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu Sandrine, ça ressemble un petit peu, c'est dans l'Isola, mais tu as ton univers à toi. Alors dis-moi, toi, ton cabinet de curiosité, déjà, ça fait combien de temps qu'il existe ? Alors moi, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ça fait un an et un mois, en fait. Au début, c'était qu'une petite collection. Ça s'est agrandi. Ça fait 4 ans que je collectionne les curiosités. Et puis, c'était trop grand. Il fallait que j'en vende. J'en ai racheté. J'en ai revendu. Je me suis déclaré. Et puis voilà, c'est devenu une passion qui me rapporte de l'argent maintenant. Mais qui reste quand même dans l'optique d'être une collection qui tourne, en fait. Ah oui, donc c'est donc une collection, une espèce de mini-musée où tout peut s'acheter et se revendre. Voilà, c'est ça. Ah, dis donc, c'est sympa. Et t'as depuis longtemps eu cette passion pour les curiosités comme ça, vu que t'as, je crois, t'as un mannequin couvert de tatouages, t'as aussi un squelette de cerf, si je ne me trompe pas. Oui, un squelette de daim. Oui, bah ça fait. J'ai commencé ma collection personnelle il y a 4 ou 5 ans maintenant. C'était vraiment tout petit dans une vitrine. Et puis c'est devenu gros, comme je disais. Et puis moi, je vois toujours ça comme une collection, en fait, pas comme un business. C'est ma collection que j'entretiens, en fait, et je la fais partager aux autres en revendant mes pièces, en rachetant, en recréant. Et pourquoi, en fait, ce style là donc, c'est vrai que c'est assez on va pas dire gore, mais assez assez dark quand même, et très ben, c'est vrai que ça fait penser un petit peu aux antiquités, presque comme dans les films d'horreur ou les films fantastiques. Pourquoi ce style-là ? En fait, c'est pas l'idée de base. Les cabinets de curiosité existent depuis très longtemps, depuis le 17e siècle. Et c'est un peu apprendre la science, enfin c'est beaucoup dans la science, la médecine, apprendre ce qui nous entoure. Donc un squelette animal, je vois pas en quoi c'est gore, c'est la nature, c'est ce qui nous entoure, en fait. C'est savoir la comprendre un peu mieux. Et donc toi, tu essaies un petit peu mieux de comprendre le monde qui t'entoure, ou juste parce que dégagent les objets que tu apportes à ta collection ? Non, j'essaie d'apprendre de tout, en fait. J'ai autant, on parle de squelettes animaux, mais j'ai aussi des insectes, j'ai aussi des végétaux, j'ai des affiches médicales qui ont servi donc dans des écoles ou dans des laboratoires. C'est tout ce qui est lié à la science, à la nature, à tout ce qui nous entoure dans le monde entier, quoi. Oui, exactement, bah, c'est ce que j'allais dire, hein. Tu m'en as ôté les mots. Et pour les auditeurs, est-ce que tu as peut-être une page Facebook ou un Instagram ? Oui, on peut me suivre sur Facebook, donc la page Vilain Défaut. Et puis Instagram, non, j'en ai pas. Mais sinon, j'ai un Etsy aussi, une boutique en ligne où on peut me demander des créations personnalisées, où j'envoie dans toute la France mes créations ou mes pièces. Ah oui, donc tu crées aussi ? Oui, je crée. Bah, par exemple, j'aime pas acheter la pièce et la revendre tout de suite. J'aime manipuler, en fait, la pièce, en profiter un minimum et pouvoir apprendre, en fait. Parce que acheter, garder la boîte et revendre, c'est pas mon truc. Je préfère travailler un peu la pièce, la garder pour moi et plus tard la revendre. En fait, ouais, c'est vraiment ma collection, quoi. Ta collection à toi. Et est-ce que tu as une boutique fixe à Épinal ? Non, pas encore, mais c'est en projet, peut-être un jour. Ah bah écoute, je pense qu'on viendra aux nouvelles quand le moment sera venu. Bah écoute, merci beaucoup Anthony du Vilain Défaut pour toutes ces informations, et puis bon courage encore pour le salon. Merci à vous. stand à bijoux, un stand avec pas n'importe quoi comme bijoux, le stand de Méga Grau. Bonjour Méga Grau. Salut. Alors dis-moi, tu veux peut-être présenter ton travail aux auditeurs s'il te plaît ? Eh bien moi je fais des camées en porcelaine que j'imprime artisanalement moi-même, pièce par pièce. Et je fais des collaborations avec des artistes tatoueurs. Donc les artistes m'envoient leurs dessins, je les imprime sur porcelaine 15 fois maximum et je les monte, c'est-à-dire que je mets un contour différent à chaque fois afin que chaque pièce soit unique. Ah oui, donc chaque pièce est unique et comme tu le dis, tu fais des camées. Dis-moi, je pensais que les camées c'était juste des pierres qui étaient creusées avec différentes couleurs, mais en fait c'est pas que ça. Non, ouais, j'ai inventé un concept avec un système de porcelaine que je peux imprimer, ouais. Mais après, oui, comme tu le dis, les contours, c'est vraiment des, comment dire, des cadres de camées. Et dis-moi, ça fait longtemps que tu fais ça ? J'ai commencé mon activité en 2010, après 15 ans d'éducation nationale. Oh, mais qu'est-ce qui t'a mené de passer de l'éducation nationale à la création de bijoux ? On va dire que mon motto, c'est « Fuck everything and become a pirate ». Et que du coup, j'ai décidé d'avoir une vie un peu moins conventionnelle, de travailler avec des artistes, de faire ce que j'aime, en fait. Voilà. Il y a des moments dans la vie où on se dit bah, « on va faire ce qui nous plaît vraiment ». Et à l'époque, j'étais aussi éclairagiste de concert, du coup, lumière et bijoux. Et c'était un peu tout ce que j'aime. C'était tout ce que tu aimais, c'est comme ça que tu fais ton activité. J'ai oublié depuis combien de temps déjà ? Depuis 2010. Ah oui, 2010, donc 8 ans maintenant. Ouais, tout à fait. Félicitations. Merci. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le camé et dans la porcelaine ? Parce que c'est vrai que c'est pas non plus des matériaux qu'on verrait ensemble spontanément. Bah, disons que je trouve ça assez rigolo de faire des détournements d'objets. Donc là, la porcelaine est un peu limite une matière un peu désuète. Et moi, mettre des motifs rock'n'roll et tatou dessus, je trouvais ça intéressant. Et comme tu l'as dit, tu travailles avec des tatoueurs. Voilà. Donc tu travailles avec combien de tatoueurs ? J'ai 29 collaborations actuellement. Ah oui, quand même. Et après, ça change au fur et à mesure, ça évolue. Voilà, quand la collection est terminée, j'ai fait 29 collaborations en tout. Et il y en a certaines qui sont quasi terminées, c'est-à-dire qu'il me reste 3-4 pièces. Et qu'après, c'est fini. Donc quand on voit quelque chose qui nous plaît sur mon stand, il vaut mieux le prendre vraiment parce que bah, ça risque de s'arrêter. La collection est limitée, c'est des collections limitées et deux pièces uniques. Comme tu le dis, oui, en effet, deux pièces uniques en son genre. Hein, une personne qui prend un bijou chez toi sera le seul à l'avoir. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver ? Parce que tu as une boutique fixe, tu as une boutique internet ? Surtout pas. Je déteste me lever tous les jours à la même heure. Du coup, j'ai plutôt fait le parti de moi me déplacer, d'aller vers les gens. Et en fait, je vais de convention en convention un peu partout en France, un petit peu en Europe aussi. Je fais Bruxelles, j'ai fait Londres, j'ai fait Brighton. Et l'idée, c'est vraiment de... Je ne fais pas de revente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mes bijoux dans des boutiques. Il n'y a que moi qui vais faire de la vente de mes pièces, ce qui me permet en fait d'être tout le temps en relation avec mes clients, de leur expliquer vraiment ce qu'ils achètent, qu'ils sachent que bah ouais, c'est la pièce unique, etc. Plutôt que d'être déposé dans un petit coin sur une étagère et que personne n'explique. Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu fais des bijoux, donc je vois que tu as un sautoir, donc tu fais des colliers, tu fais d'autres styles de bijoux ? Après, je fais des bijoux qui accompagnent, si tu veux, mes porcelaines, qui sont quand même les pièces maîtresses de mon stand et qu'on va trouver en quantité. Je fais quelques petites boucles d'oreilles, je fais des petites choses un petit peu qui vont avec, mais c'est pas vraiment les choses les plus importantes pour moi. Ça va vraiment être les collaborations avec les artistes tatoueurs qui sont internationaux et vraiment reconnus dans le milieu du tatou. Et dis-moi, si un auditeur a peut-être envie de voir le travail que tu fais, est-ce que tu as peut-être une page Facebook ou Instagram pour le voir ? Complètement, j'ai un Facebook, un Instagram, ça s'écrit MEGAGRAWWW. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'histoire de ton nom, parce que Méga Grau, c'est assez marrant, c'est même plutôt surprenant. Disons que je me suis dit que je serais la seule à avoir un nom aussi... inhabituel, que ce serait facile de me retrouver un petit peu partout sur les réseaux. Et puis c'est venu en fait d'une petite expression qu'on avait sur un forum de créatrices. On était toutes là, oh, c'est trop grave, c'est trop grave. J'étais un peu dans le kawaii et tout ça à l'époque, tous les trucs un peu japonisants. Et du coup voilà, méga grave. Voilà, c'est venu comme ça, et tout bêtement. Si quelqu'un veut se procurer une de tes pièces méga grave, quelle est la prochaine convention à laquelle tu seras, ou même les prochaines grosses conventions ? Alors là, je serai sur une convention de bikers la semaine prochaine à Valoir. Mais après, je fais ma petite pause estivale et je rattaque le 2-3 septembre à Liège. Après, je serai à Bruxelles, je serai à Nantes, je serai à Montreux en Suisse. Et voilà, j'ai 25 conventions environ par an, un petit peu partout. Ah oui, donc tu bouges vraiment beaucoup, hein, c'est une toutes les deux semaines presque. Dis donc, c'est un rythme assez rock'n'roll, ça. Carrément. Non, mais c'est super parce que du coup, c'est effectivement en allant de convention en convention, petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de gens et du coup, on est toujours dans un esprit un peu festif. Donc, travailler dans un espace comme ça avec des gens qui sont venus pour se détendre, voir de l'artistique, voir du tatou et rencontrer toujours un peu les mêmes tatoueurs, créer des liens et puis du coup, faire des collections avec eux, ça a du sens, quoi. Ça se fait naturellement. Bah écoute, merci beaucoup Méga Grau pour toutes ces informations. Je te souhaite beaucoup de courage pour la convention et pour les prochaines. Merci beaucoup. Il y a bien un stand que je m'attendais pas spécialement à voir à une convention de tatouage, c'est celle d'un tapissier décorateur, et pourtant tu es là devant moi, Tom de Artisan. Et bien bonjour Tom. Bonjour. Alors avant toute chose, on va peut-être dire aux auditeurs ce que tu fais, vu qu'un tapissier décorateur ça met du tissu en gros sur des fauteuils, c'est ça? Enfin, un tapissier décorateur à la base c'est celui qui travaille le tissu dans l'ameublement, donc ça va du rideau à faire des coussins, retapisser des fauteuils. Tout ce qui nécessite le travail du tissu en ameublement. Mais moi, je me suis spécialisé dans le matériel pour les tatoueurs. Oui, donc voilà, ce que tu fais dans une convention de tatouage, c'est que tu tapisses des tables de tatouage avec différents motifs. Hein, j'ai vu, il y a de l'imitation cuir, il y a des têtes de mort, il y en a plein en tout genre. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de tapisser spécialement des tables de tatouage? J'ai passé énormément d'heures sur des tables inconfortables à me faire tatouer, et en étant tapissier d'ameublement, j'ai voulu remédier à ça pour les tatoueurs et surtout pour leurs clients, parce que pour moi le confort du client c'est aussi le confort du praticien. Voilà, donc j'ai voulu apporter un peu de confort et puis changer du simili cuir noir classique qu'on voit dans tous les magasins dans tous les shops de tatouage. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu es tapissier d'ameublement? J'ai passé mes diplômes il y a une dizaine d'années et j'ai créé mon entreprise il y a un an. Ton entreprise qui s'appelle L'Artisan, et dis-moi, vu que d'après ce que j'ai compris, tu as fait de la route, tu es d'où exactement? Je suis installé en Ardèche, à 45 minutes de Valence. Donc je me déplace dans toute la France, dans différentes conventions de tatouage, et j'essaie de commencer à propager mon style de travail, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. J'ai commencé à faire des repose-bras en tissu recouvert de plastique, histoire de pouvoir aussi proposer différents motifs, différents logos aux tatoueurs. Donc il faut le temps de me faire connaître à travers les conventions. Bien entendu, et en un an, comment tu t'es fait connaître jusque-là? Ton entreprise est en train d'atteindre l'ampleur que tu t'étais imaginé? Je ne m'étais pas vraiment imaginé d'ampleur, ça prend sa place doucement. En fait, il faut changer les habitudes de consommation des gens. On est dans une société de consommation où on achète de piètre qualité et on jette et on renouvelle tous les ans du matériel de mauvaise qualité. Donc du coup, moi je propose de choisir un confort, de choisir un visuel, et il faut le temps que les professionnels changent leur fonction de consommer. En fait, la prochaine fois qu'ils ont une table qui est défectueuse, de se dire au lieu de recontacter l'industrie, on va appeler l'artisan. En effet, passer par l'artisan, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important de nos jours, hein, dans tous les domaines, et forcément dans le tien aussi, comme tu es artisan. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est une question que je t'ai pas trop demandé, c'est vrai que ça fait 10 ans que tu es artisan décorateur, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller dans cette voie là Je sais pas. Je sais pas, ça, j'ai toujours aimé la décoration et du coup je me suis renseigné pour savoir comment on devenait décorateur d'intérieur. On m'a dit qu'il fallait faire un CAP de couture ou un CAP de garniture en tapissier d'ameublement. Et je me suis lancé dans un CAP de couturier d'ameublement que j'ai obtenu au bout de 2 ans et ensuite un bac pro tapissier décorateur. Dis-moi, si maintenant un auditeur a peut-être envie de voir le travail que tu fais, ou si on a peut-être un auditeur tatoueur qui est curieux, où est-ce qu'il peut te trouver ? Principalement sur Facebook. La page Facebook, c'est Artisan, tout en majuscule, A-R-T-Y, espace Z-A-N. Bah écoute, je te remercie beaucoup Tom pour ton temps, et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour ton entreprise qui ne fait que commencer après tout. Mais c'est vrai que des initiatives aussi originales, il faut vraiment les mettre en avant. Merci Tom. Merci à toi. Ça y est, vous l'avez entendu, le générique a débuté. Et qui dit générique dit eh bien déjà l'heure de se dire tout doucement au revoir. Mais en attendant, hein, c'est déjà avant de se dire au revoir pour de bon, l'heure de faire la programmation. Et la prochaine émission, ce sera demain matin, 7h-8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, elle sera aisément écoutable, aisément téléchargeable sur notre plateforme Archive, hein, celle sur laquelle on se trouve, mais aussi introuvable sur notre site internet radioguimauzo.eu, rubrique l'heure des loups, émission et rediffusion, l'heure des loups ensuite, et sur notre page Facebook Radio Guimauzo. Puis on retrouvera demain matin Michel pour sa chronique, et enfin à 8h30 Marion pour sa matinale qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et on se retrouvera demain soir 18h-19h pour un salon du mariage à Cornimont. Je peux pas vous en dire plus, hein, j'en sais pas beaucoup plus, quoique le nom parle de lui-même, on va complètement changer d'ambiance. Mais bon, je suis très contente encore une fois d'avoir été là-bas, hein. Franchement, c'est une expérience à faire, hein, à vivre. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé aux interviews, donc Laurent Tattoo Shop, Club de Barbu, Vilain Défaut, Sans Scholar Time, Mega Grau, Artisans, et puis bien entendu les organisateurs, donc Jean-Marc de Belfort et Julien Tibers pour Clockwork Tattoo Shop, je crois, si je me trompe pas. Et je remercie aussi les auditeurs d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors bon, on se retrouve sans plus de cérémonie demain soir, 18h. Et en attendant, bonne soirée à tous.